Bonjour à tous, une nouvelle émission de Radio Guimauzo à tes ados. À toi Corinne. Merci Christopher. Voilà. Donc il est 10h et nous commençons cette nouvelle émission. Alors, est-ce que tout le monde est là aujourd'hui? Oui. Mes habitués? Oui. Oui. Bon ben voilà, on va pas redire tout le monde, hein. On va direct au but. Hein? Ah, qu'est-ce que tu veux dire, Juliana? Corinne, elle a dit qu'il y avait quelqu'un qui était mort. Bah, tu sais, il y a des morts tous les jours. Hein, mais un chanteur. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, oui? Un chanteur. Et il aimait bien Corinne, ses chansons. Oui? Comment il s'appelait? Je sais plus. Ouais, mais disons que vous ne connaissez pas trop. On va faire un tour de table. Pour? Bah, pour nous présenter. Ah, tu te présentes? Bah, vas-y alors. Bah, vas-y. Bonjour, je m'appelle Timothée. Eh ben, allez, on continue alors. Bonjour, je m'appelle Nathan. Bonjour, je m'appelle Camille. Bonjour, je m'appelle Juliana. Bonjour, je m'appelle Christopher. Et en technique? Bonjour, je m'appelle Steven. Ouais, tu es avec qui, Steven? Marc. Voilà, et bien, bonjour à Marc. Bonjour, Marc. Il s'appelle Max. Salut, oui. Max. Pourquoi, salut Max. Pourquoi on arrête là s'il vous plaît? Pourquoi tu veux l'appeler Max? Oh, Max Blitz. C'est tu peux le regarder quand tu dis ça. Hein. C'est un nom que j'ai un peu dans la tête. Hein. Ah. Max. Max. Tu as la tête de Max, Marc. Ouais. Et toi alors, Christopher, tu as une tête de quoi alors? D'Italien. D'Italien toi. Maintenant, il aime bien qu'on l'appelle Marcus. Ah. Non, Max, ça irait mieux. Ah, t'as un petit chapeau de cow-boy. Marcus. Avec un chapeau de cow-boy. Ah oui. Moi, je le verrais bien ressembler à Corinne. Un lasso. Oui, pour faire de la radio avec un lasso. Christopher, t'as de l'idée. Avec toi, des nattes. Hein. Avec des nattes. On va peut-être arrêter là et on reprend où on en était. Ah, t'es une étoile de shérif. Christopher, s'il te plaît. Alors, Juliana, vas-y, on te laisse. Il y a quelqu'un qui est mort. Oui. Johnny Hallyday. C'est solennel. Alors, Johnny Hallyday, ça fait un moment. C'est un homme. C'est un homme, ah. Non, c'est une femme. C'est mystérieux. Hein. Ouais. Si vous savez, c'est totalement mystérieux. Si vous savez, vous pouvez appeler pour nous le dire. Oui, ah bah tiens, eh ben oui. Et vous savez, on va procéder comme ça. Oui. On va demander à Marc et Steven de mettre la chanson. Et ceux qui reconnaissent qui c'est, ils nous appellent. Ils appeler au 03 29 62 40 40. Voilà, et ben, on écoute ce chanteur mystérieux. Bonne chanson, les gens. Tombé du ciel, à travers les nuages, quel heureux présage pour un aiguilleur du ciel. Tombé du lit, fauché en plein rêve, par le glaive de la sonnerie du réveil, tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle, tombé du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage, ancien tueur à gages. Comment peut-on du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges, du paradis originel, tombé du sommeil, perdu connaissance, retombé en enfance, au pied du grand sapin de Noël, voilé de mystère, sous mon regard. Thank you. Voilà, voilà. Alors, Timothée, tu peux enlever ton casque. Ah oui, bon. Eh bien, nous avons apparemment quelqu'un au bout du fil qui a trouvé l'auteur et le titre de la chanson. Tu as entendu, Timothée ? Oui. C'est super, hein ? Quelqu'un appelle. Alors, Marc, est-ce qu'on peut être mis en relation avec cette personne ? Oui, en théorie, ça marche. Ok. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Donc, j'ai trouvé la réponse à la question demandée. Ah, bah heureusement, parce qu'ici, on séchait, hein, quand même. Ah, hein? D'accord. Alors, ouais. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bonjour. Donc, j'habite à Rochesson. Je ne sais pas si quelqu'un m'a reconnue. C'est ma maman. C'est ma maman. Ah, il est très ému, hein, Timothée. Oh purée, c'est ma maman. Salut maman. Bonjour Timothée. Ça va? Oui, ça va. Alors Timothée, tu vois, ta maman, elle a la réponse. Et c'est qui c'est? Et même, je pense, le titre de la chanson. Alors c'est qui? Alors c'est Jacques Higelin. Et le titre? Et le titre, mais il me semble que c'est... j'aurais dit tomber du ciel, mais non, je crois oui, pas. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Voilà. Bah, c'est bien, vous connaissez, parce que je me sentais un peu seule. Oui, je connais Jacques-là, oui. Et je ne savais pas, oui, qu'il était décédé, donc oui. Voilà, je viens de l'apprendre. Bah voilà, vous voyez. Eh ben, on vous remercie beaucoup d'avoir appelé, hein. Bah, de rien, je vous écoute tous les mercredis. Voilà. C'est gentil, et Timothée est content, hein. Alors, ouais. J'espère l'entendre parler un petit peu plus que d'habitude. Ben oui, et ce serait bien à la rigueur que vous veniez partager une émission une fois avec nous. Ben pourquoi pas, oui. Ouais, c'est trop cool. Hein. Ah ouais, alors Timothée serait content. Eh ben écoutez, je vais vous dire, on se rappelle, hein, et puis un mercredi, voilà. D'accord, c'est avec gentil. Nous. Ça marche. Voilà, ben c'est très bien. Ça. On vous remercie d'avoir appelé, hein. Ben de rien, bonne journée. Bonne journée à vous, hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Dis pas au revoir à maman. Au revoir maman. Eh ben super, hein. Timothée, il était ému, il a dit quoi ? Bah oui, mais ça fait plaisir, non ? Ah oui. Hein ? J'ai cru que mercredi. J'ai cru que c'était les Coralie. Ah, ça aurait pu être quelqu'un de l'émeu, mais là, un parent, c'est encore mieux. Hein ? Ouais. T'as dit au revoir à un autre mercredi ? Oui, parce que j'ai demandé à la maman de Timothée si des fois elle voulait partager une émission avec nous. Et apparemment, elle serait favorable, donc c'est super quand même. Christina, t'as dit que tu serais pas là ? Non, mercredi prochain, moi je suis là, Christopher. Ah, ok, tu vas faire ça. Voilà, oui. Le mercredi des vacances. Ah oui, merci. Oui, oui, je serai pas là, donc il n'y aura pas d'émission. Mais on dira déjà à Marc, ne vous inquiétez pas. Ne paniquez pas. Hein ? Bon, allez. Donc c'était Jacques Higelin. Est-ce que vous avez au moins aimé la chanson ? Ah oui, tombé du ciel. Et toi, Timothée ? Oui. Oui. Et Steven ? Oui. Oui, voilà. Oui. Donc alors, quand on a préparé lundi, on a dit, tiens, on va parler un peu de votre week-end parce qu'il faisait beau. Donc en général, quand il fait beau, les gens ressortent de chez eux. Hein? Ils sont censés ressortir. Après, il y en a qui sortent quand même pas. Hein? Oui. Donc alors, qui était sorti ce week-end? Alors, vas-y, Juliana. Moi, j'étais à la foire à Remiremont. Alors, qu'est-ce que c'est comme foire à Remiremont? C'est une foire... oui. C'est pas un vide-grenier? Ah, est-ce que c'est un vide-grenier? Non. Non. Non. C'est quoi, alors? C'est pas une braderie? Si. Ah. Ah, voilà. Chercher. Alors, est-ce que c'est la fête foraine? Non. Non. Il n'y a pas de manège. Il n'y avait pas de manège. Je disais qu'il y avait des petits manèges, il y en a. Si, juste un, c'est tout. Un petit manège, oui, mais c'était pas la fête, Nathan. C'était une braderie. Alors, une braderie, c'est quoi, Juliana? Pour vendre des trucs. Voilà, il y a plein de commerçants. Et puis, en général, à une braderie, bah, tous les magasins aussi déballent ce qu'ils ont dans leurs magasins et font des prix. Hein? Normalement, c'est un peu moins cher. Mm. Est-ce que toi, tu as remarqué que c'était un peu moins cher? Oui. On a même vu un truc de Nocibé. Magasin Nocibé, alors oui. Oui, oui, je vois. Alors, on ne fait pas de pub pour les magasins. Oui. T'as acheté quoi, Juliana? Deux pantalons et un pantalon à ma petite... Un pull à ma petite nièce. Ah, donc il y avait des affaires à faire. Hein, ouais, devant moi, si j'aurais vu ça, j'aurais vu une brousse de 5 euros. J'aurais déjà acheté une poupée neuve. Ouais. En attendant, t'es pas allé à la braderie, toi? Non, j'aimerais bien y aller. Si ça coûte moins cher, j'aimerais bien y aller. Ok. Donc, alors, Juliana, elle a été à la braderie. Alors, Christopher, où es-tu allé en ce beau dimanche? Je suis resté chez moi. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, il y en a qui sortent et d'autres... Ils ne sortent pas. Hein. Voilà. Est-ce que tu as vu qu'il y avait du soleil dehors, oui. Christopher? Mais moi, je voulais me reposer. Ah, tu étais fatigué. Ouais. Parce que le samedi, tu as travaillé? Non, je suis couché tard. Ah, tu t'es couché tard. Et puis, il a fallu tout le dimanche, toute la journée pour se remettre. Ouais. Ah oui. Me reposer tranquille. Ouais. Donc, t'as pas été dehors? Non. Rien du tout. Bon, et ça va le soir? Tu étais bien reposé? Oui. Ouais, ok. Camille, qu'est-ce que tu as fait, toi, ce week-end? J'étais dehors. Ah, Camille, elle est sortie. Elle était timide. Alors, dehors, qu'est-ce que tu as fait dehors, Camille? J'étais me promener. Voilà. Eh bien, Camille, elle a pris l'air, Christopher. Parce que même si on est fatigué, c'est bien d'aller prendre un peu l'air, le soleil. Bon, ouais. Christopher n'est pas d'accord. Ok, on n'insiste pas. Nathan, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? J'ai rentré du bois. Pendant deux jours? Non, pendant samedi. Samedi, tu as rentré du bois. Samedi, alors le dimanche, il faisait beau, alors qu'est-ce que tu as fait? Le dimanche, je reste toujours à la maison parce que dimanche, j'étais un peu tranquille parce que le samedi, je fais trop de travail. Sérieux? Et le dimanche, je reste tranquille, me reposer. Ok, donc ça veut dire que tu étais fatiguée. Ah, comme Christopher, alors. Nathan était fatigué, donc il s'est reposé. Ah. Timothée, alors, en ce beau dimanche, qu'est-ce que tu as fait, toi? À ce beau dimanche. Oui, il faisait beau, Timothée, dimanche. Alors, j'ai été allé accueillir des gens qui... Oh, super. Eh oui. Et puis alors, tu les as offerts à maman? Ah, je sais pas. Non, Nathan, on laisse parler Timothée. Alors, Timothée, tu es allé cueillir des jonquilles, mais oui. Pour les mettre où? Qu'est-ce que tu en as fait après? Ah! Je voulais les vendre, mais... Tu voulais les vendre? Ah. Oui. Oui, alors, tu as fait des bouquets? Oui. Oui? Tu les as mis au bord de la route? Non, c'est papa qui a mis au bord de la route. Ah, et puis alors, ça a marché? Oui. Oui? Alors, c'est quoi ton tarif à toi, Timothée? Le petit tarif. Combien tu les vends, tes jonquilles, au bord de la route? un euro. Ah oui, ouais, c'est courant ça, hein, oui. C'est ce qu'on voit partout. Hein. Ouais. Ah oui, ça c'est une bonne idée pour se faire un petit peu de sous. Mettez des bouquets de jonquilles au bord de la route. Moi j'en ferai. Oui. Quand je ferai un petit bouquet, après quand j'irai... Si j'irai chez ma soeur ou si ma soeur vient, je lui donnerai, comme ça elle le mettra après, à côté de chez elle, comme ça elle regarde. Comme ça qu'elle regardera tous les jours. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait du passage, hein, parce que si vous habitez par exemple près d'une forêt, il n'y a pas forcément du passage. Chez ma soeur, il y a des voitures qui viennent, qui montent. Il y a du passage près de chez toi, Timothée ? Du passage ? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des voitures qui passent souvent ? Oui. Ah oui, donc il y a du passage. Moi aussi. Donc ça marche. Hein? Moi, je serais plus cher, je mettrais 10 euros. Je parquerais 10 euros pour les bouquets de zonkis. 2 euros, alors que ça fait, pourquoi tu serais plus cher, toi? Alors que ça, ils prendraient plus de zonkis. Ah bah non. Moi, je mettrais. Ils regardent aussi le tarif, hein, c'est trop cher. Moi, je mettrais 1 euro. Mais c'est pas assez, ouais. 1 euro. Moi, ou alors, le risque, Christopher, c'est qu'ils emmènent le bouquet sans payer. Non, c'est des fonctions. Ouais. Parce que pour avoir des gentils, il faut faire un gros carton avec un gros chiffre 1 euro. Aussi, il faut faire beaucoup, beaucoup de gentils. Ah bah oui, plus tu cueilles de bouquets, plus tu peux te faire de sous. Les caillasses. Mais après, j'ai quitté que j'ai pas envie de mettre dans mon compte. Mais il faut déjà avoir le courage d'aller ramasser les gentils, hein. Et puis Corinne, après je mettrai des caméras autour du bocal pour voir s'il y en a qui volent. Comme ça j'irai à ma soeur, elle regardera tous les jours et quand il y a des sous, elle me les donne. Bon, ben c'est bien Timothée ce que tu as fait. Hein? Allez, on va passer à Steven. Alors, ton week-end, Steven, tu étais où? J'étais à Claire. Voilà, alors toi tu étais en séjour le week-end, hein? Oui. Voilà, chez Claire. Et qu'est-ce que tu as fait chez Claire? J'ai joué au badminton. Oui. Et? J'ai fait... T'as pas fait un truc particulier? T'as été où? J'étais en Alsace. Oui, alors qu'est-ce que t'as été faire en Alsace? Courir avec les poneys. Tu as couru avec les poneys? Dessus, au-dessus d'un poney. Tu as été sur les poneys? Oui. Ah bah tu m'avais dit non. Si. Tu m'as dit que tu avais emmené des chevaux. Oui. Hein, en camion, c'est ça? Oui. Voilà, qu'il y avait deux camions. Et après on les a repris, c'était une soirée poney. Oui, et toi tu es monté dessus? Non. Ah. Parce que c'était que les grands. Voilà, c'était des autres qui montaient dessus, c'est oui. Ça, hein, voilà. Toi tu as accompagné... Les chevaux en oui. Alsace, c'est mais ça? On a mangé en Alsace. Voilà. On a pique-niqué. Voilà. Donc c'était bien ça? Oui. Oui. Et puis alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que t'as raconté lundi? Oh, puis ça te fait rire. C'était pas très rigolo, mais ça te fait rire. Hein. Un accident? Oui. Alors il y a eu un accident. Devant vous? Oui. En train de se faire, l'accident. Oui, c'est fait devant vous, c'est ça? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as vu, Steven? Et la voiture, il a tourné, et après il s'est tapé l'arbre. Non. Et après, il a fait un gros tonneau après qu'il s'est tapé l'arbre. Et le monsieur, il s'est cassé les côtes. Mais il était indemne. Oui. C'est le principal quand même. Hein? Il n'était pas mort. Est-ce que tu... Bah oui, heureusement. Est-ce que tu as été impressionné, Steven? Bah oui. Ben oui, ça fait drôle hein, quand même de voir ça devant. Et Claire, alors? Il a crié. Elle a crié. Elle a eu peur aussi. Oui. Oui. En plus, le truc, le 4x4 plus le camion, la voiture, elle est passée à ras du sol. Ah oui. La feu nous toussait. Ben dis donc. Ça, c'était les grandes aventures pour Steven, hein, ce week-end. Hein. Mais là, au moins... hormis l'accident, tu étais content de ton week-end? Oui. D'avoir accompagné les chevaux en Alsace, d'avoir vu des courses, c'est bien quand même. Oui. Voilà pour Steven. À toi. Alors après, je vous avais demandé, est-ce que vous, ça vous plairait de partir en week-end en séjour comme fait Steven? Oui. Oui. Oui. Oui, à droite, à gauche, comme ça. C'est moi, chez ma tante. Non, pas dans la famille. Hein, avec des personnes que vous connaissez pas. Non, pas trop. Ah, Timothée. Oui, oui, avec les chevaux en Alsace. Comme Steven, d'ailleurs. Ah, faire la même chose que Steven. Oui. Ah, oui. Mais partir avec des gens que vous connaissez pas. Ah non. Non, moi, non, pas moi, pas moi. Je crois que tu parlais dans la famille, mais moi, c'est avec des gens que je connais pas. Moi aussi, c'est avec des gens que je connais. Que moi, pas des inconnus. Moi non plus. Bah, par exemple, si un jour vous devez aller en colo, en colonie, on connaît pas forcément les gens avec qui on va. Hein. Je suis déjà allé en colonie de vacances. Et bah alors, tu connaissais les gens? Non, mais. Et bah, moi aussi, j'ai déjà été. Oui. Corinne, oui. J'ai été. Et alors, ça s'est bien passé, Camille? Bah, super. Oui. Steven, t'es déjà allé en colo? Oui. Oui, et les gens qui y étaient, tu les connaissais pas? Non. Voilà. Est-ce que ça s'est bien passé? Oui. Oui. Toi aussi? Non? Oui. Oui. C'est bien passé. Bah alors. Moi, je pense que ça pourrait vous faire un peu de bien hein, de partir un peu de chez vous. Hein. Oh non. Même si non. C'est qu'une semaine, comme ça, de voir autre chose. De vous débrouiller. Mais moi, je parle pas des gens des inconnus. De vous débrouiller un petit peu sans vos parents. Hein. Non, moi, j'aime parce bien. Parce qu'il y a quand même souvent maman, papa, ou par exemple Marie, ou nounou, pour s'occuper de vous. Hein, pour faire tout à votre place. Oui, Nathan. Ce serait bien aussi faire une grande vacance à l'IME. Dormir au moins 10 jours de vacances en été. Faire un camp avec tout l'IME? Non, pas avec tout l'IME, avec vous. Ah, avoir une grande vacance juste que c'est fini. Une longue vacance, mais juste que c'est fini. Ah, toutes les vacances d'été, partir ensemble? Ouais. Oh, mais je serais peut-être sur les genoux, moi aussi, à la fin. Ah je oui pourrais... Je pourrais pas revenir en septembre, tellement je serais fatiguée. Non. T'es d'accord, Corinne? Non, ça c'est pas possible. Toutes les vacances d'été. 10 jours de vacances. Non, c'est de l'argent. Vous irez voir Monsieur Ballant. Hein? Oui. D'ailleurs, Monsieur Ballant a demandé à venir à la radio avec nous. Hein? Ah oui, on t'invitera la semaine. Non, ça on verra. Oui. Hein, voilà. Christopher. Oui. Alors, Monsieur Macron, le président de l'IME, il n'est pas mis le président de la République. Monsieur Macron, le président de l'IME. Ah, le président de la République, elle n'est pas venue. J'ai pas encore envoyé la lettre. Ouais. Christopher, il a fait sa lettre. Moi, j'ai préparé une lettre que j'ai soumise à Madame Swartenbrook, la directrice. Elle doit la relire et tout pour la joindre à celle de Christopher. Voilà, donc il faut un petit peu de temps pour tout ça. Hein. Mais t'inquiète pas, elle partira ta lettre, Christopher. Ouais, hein. J'espère. Voilà. Donc, on a fini avec le week-end, on a fait le tour. Oui. Timothée, t'en avais parlé? Oui, voilà, c'est bon. Mmh. Eh ben, on va mettre une chanson, je sais pas. Laquelle? Comme tu veux, Marc. Hein. Mais non. Timothée? Ok, celle de Timothée. Maître Gims, Caméléon. Mmh. Allez. Je l'aime bien. Merci, Timothée. Eh ben, voilà, c'est parti. Ouais. Merci. Quand tu disais oui, moi je disais non. Et on s'est laissé tomber. On s'est laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais, bah c'est du passé. On s'est laissé tomber. On s'est laissé tomber. On s'est promis des sentiments. Tu disais oui, moi je disais non. On s'est laissé tomber. Laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais, bah c'est du passé. On s'est laissé. Tomber. malgré moi tu m'attires un peu comme un aimant. Mais toi tu dis je t'aime comme un caméléon. Je t'ai senti partir et j'ai pris les devants. Malgré moi tu m'attires un peu comme un aimant. Mais toi tu dis je t'aime comme un caméléon. On s'est promis des sentiments. Quand tu disais oui, moi je disais non. Et on s'est laissé tomber. On s'est laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais bah c'est du passé. On s'est laissé tomber. On s'est laissé tomber. On s'est promis des sentiments. Tu disais oui, moi je disais non. On s'est laissé tomber. Laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais bah c'est du passé. On s'est laissé tomber. Laissé tomber. Accorde-moi une dernière danse. Je veux savoir à quoi tu penses. Regarde dans le vide, et ces sentiments que tu déguises. Toujours à jouer avec les mots, toujours à se rejeter la faute. Je peux comprendre que t'es fini par dire stop. Mais on s'est promis des sentiments. Quand tu disais oui, moi je disais non. Et on s'est laissé tomber. Laissé tomber. Et je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais bah c'est du passé. On s'est laissé tomber. Laissé tomber. On s'est promis des sentiments. Tu disais oui, moi je disais non. On s'est laissé tomber. Laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais bah c'est du passé. On s'est laissé tomber. Laissé tomber. Voilà, donc c'était la chanson à Timothée, Maître Gims, Caméléon. Tu es content, Timothée ? Ouais. Ouais, tu es radieux. Alors, c'est bien, tout va bien. Alors, tout à l'heure, Nathan, quand on parlait du week-end, on avait parlé d'autre chose, c'est toi qui avais amené l'info. Ah oui ? Alors, vas-y, parle dans le micro, s'il te plaît. Justine, ma maîtresse. Bah, c'est aussi celle des autres, hein ? C'est de tout le monde. C'est pas ta maîtresse qu'à toi, Nathan. C'est celle de tout le monde. C'est la maîtresse de tout le monde. Oui. Elle a fait la course à Paris au Ramathon. Oui. Alors, Justine, oui, marathon. Votre instinct, hein, que vous avez toute la semaine, elle a fait quoi à Paris ? Elle a couru. Elle a fait le ramadan. Le ramadan. Elle a fait une course à Paris, le marathon. Oui. Bien, elle a fait le marathon de Paris. À Paris. Le marathon de Paris. Elle a fait ça le samedi matin. Le dimanche, elle est repartie. Elle est partie quand ? Le dimanche ? Non, le samedi, elle est partie. Ah ben, sans, je n'ai pas trop demandé, mais peut-être qu'elle est partie le samedi ou... Ah oui, sûrement le samedi. Elle est partie samedi, elle m'a dit. Oui. Alors, comment elle était, Justine, quand elle est revenue lundi ? Elle avait mal aux jambes. Elle était courbaturée. Elle était courbaturée ? Ben oui, parce que le marathon, ça fait combien de kilomètres ? Je sais pas. Une quarantaine de kilomètres. Elle est arrivée jusqu'à la fin. Elle a fait tout le circuit. Elle n'a pas gagné. Ah ben oui, il faut déjà y aller, tu sais. C'est déjà bien de faire tout le tour. Faut courir doucement. Mais il faut courir très très vite. Donc doucement. On peut dire quoi, Justine ? Bravo Justine, Félicitations. Sans crier dans le micro. Bravo Justine. Félicitations. Félicitations. C'est quoi la meilleure course ? C'est nager au début à la mer. Tu nages tout partout. On t'aime bien, Justine. Ça, c'est du triathlon, Nathan, quand il y a plusieurs disciplines. C'est génial. Voilà, après, tu descends du vélo, tu cours. Marathon, c'est une discipline. Et c'est à pied. C'est courir. Ça serait bien, frère, si ma maîtresse l'aurait fait la course. Voilà. Eh bien, bravo à Justine. Hein. Puis on espère qu'elle ira mieux demain. Hein, parce que... Elle était quand même bien courbaturée, hein, comme on disait tout à l'heure. Elle n'avait pas se reposer un petit peu lundi. Ah oui. Repose-toi, mais elle n'aurait pas dû venir lundi. Elle aurait dû se reposer. Repose-toi bien, Justine. Qu'est-ce qu'elle aurait dit alors ? Oh, bah, j'ai trop couru hier, alors je ne viens pas aujourd'hui. Ouais, j'ai mal aux genoux. Il fallait se reposer. Ah bah oui, c'est sûr. Et si il va à l'école et si il va ne s'en occuper de nous le lundi, elle sera toujours mal aux jambes. Au pire de mal, chez elle, elle ne vient pas s'approcher. Non, mais ça va passer. Comme elle a dit, ça passera. Mais il ne faut pas rester non plus allongé. Il faut essayer de marcher un peu hein, pour que ça passe. Oui. Voilà. Et bien, super, Justine. Voilà. Super, Justine. Super, Justine. Oui, allez, ça y est, c'est bon. Justine. Alors, Justine, on continue. Justine. Ah, attendez. Faut se reposer, c'est mieux, hein? Oui, bah oui. Faut marcher, comme ça, ça remet les yeux en place. Ouais, mais c'est ce qu'elle fait, tu sais, elle se repose, mais elle vient aussi travailler. Et hein, voilà, elle tire un peu les jambes, mais bon, voilà. Elle est courageuse, hein? Oui. C'est bien? Ouais. Vous auriez fait, vous, le marathon de Paris? Oh oui. Non, non. Oui. Ah oui. Oh, oui. Oh, bah, alors là... Oui, moi, j'aurais fait. Vas-y. Moi aussi, courir. À fond. J'aurais fait le Tour de France, de tout partout. Nathan, le Tour de France... Ah si. Hein. Rends-toi compte ce que c'est que la France avant de dire ça. Hein. Moi, j'aurais fait à la place de... Si j'étais à la place de la maîtresse, j'aurais fait là. Si le Tour de France, je sais quoi. Bon, on va arrêter parce que je crois que vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est de 40 km, hein. C'est beaucoup. Déjà courir 4 pour vous, ça va être le summum. Non, mais moi je ferai avec la voiture. Je prendrai une donc voiture. 40, ah bah oui, voilà. Allez, on passe au sujet suivant. C'était quoi le sujet suivant? La piqûre. Ouais. La piqûre. Parce que dit, qui dit printemps dit retour des. Des abeilles. Des bêtes. Des bêtes. Les abeilles, des bourdons. Les abeilles, les bourdons. Qu'est-ce que vous connaissez comme insectes? L'araignée. L'abeille. Ouais. La guêpe, le bourdon, la fourmi, pas tous en même temps, bourdon, la fourmi, la mouche, le thon. Ah. Timothée, qu'est-ce que tu connais, toi? Je sais pas, moi. Des pinces, qui ont des pinces comme ça. Pince-oreille. Et quoi? Pince-oreille. Les pinces-oreilles. Ouais, tu les mets sur les oreilles. Des cafards. Qu'est-ce que tu dis, sur les oreilles? Oui, je mets sur les oreilles, pique. Les pinces-oreilles, ils se mettent sur les oreilles. Non, ils se mettent comme ça. Là, ils piquent. Toi, c'est ceux qui pissent et qui pissent les fesses. Ah les fesses. Oui, des cafards. Ça n'existe pas, les cafards en France. Enfin, pas en France. Ça n'existe pas, ça. Si, ça existe, mais pas en France. Pas en France. Sinon, ils avaient animé des cafards. Non, il n'y en a pas. Mais si, ça existe en France, non. Nathan. Hein. Non, c'est dans les pays chauds. Ah, c'est dans les pays chauds. Ben oui. Non, Christopher a raison. Des non. Moustiques. Oui. Steven, qu'est-ce que tu connais comme insecte? Les mégales. Les mégales. Des araignées, ça. Oui. Des grosses mégales. Oh. Oh bah, toi, tu rajoutes des grosses mégales, en plus. Énormes. Jusqu'au toit. Bon, allez, on arrête de citer les insectes. Alors, on disait quoi, quand on a parlé de ça? Que comment enlever le dard? Oui. Alors? On vient tirer. On prend une punaise. Hop. Vous vous faites piquer? Oui. Oui. Par une abeille, Juliana. Qu'est-ce que tu fais? Bah moi je prends, moi j'enlève le dard. Oui. Quoi? Oui, vas-y. Je le mets dans l'eau et puis j'enlève le dard. Et tu fais rien d'autre? Ici? Oui, vas-y. Et après je prends une feuille et puis je frotte. Une feuille de quoi? De l'herbe. De arbre. De l'herbe. Ah oui, ça veut dire, voilà, si t'es pas chez toi, mais par exemple, tu te fais piquer dans ton jardin. T'enlèves le dard, puis après, tu fais quoi? Tu souffles dessus? Je sais pas. J'ai fait ça. Oui, Nathan. Mon père s'est déjà piqué par les abeilles. Un petit bisou. Oui, alors qu'est-ce qu'il a fait? En fait, Uric et Claude, ils ont amené la ruche. Prenez du mieux pour l'en donner. Et mon père, il est arrivé, il s'est fait piquer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ton papa, quand il s'est fait piquer? Il a enlevé le dard. Oui, il a enlevé le dard, oui. Et il a eu un peu de venin. C'est quoi, tu veux? Et il m'a pas tout dit. Ah, il t'a pas tout dit. Après, j'écrase le dard. J'écrase le dard. Le dard, je le maîtrise. Je prends un truc spécial pour enlever la punaise. Truc. Mais par contre, s'il y a un peu de venin qui est entré dans la peau, tu fais quoi? Je fais un nœud. Tu fais un nœud, toi? Moi, je prends l'eau. Attends, pas tous en même temps. Un nœud de marin. Pas le venin dans tout le corps. Tu fais un garrot, toi? Oui. Ça ah oui. Pire, ça. Moi, je coupe mon doigt et... Tu coupes ton doigt, toi? Là, c'est sida. Après, je mets dans l'eau et après, je le recolle. Non, il faut aller à l'hôpital. T'ailles à l'hôpital. Pour une piqûre d'abeille, tu vas à l'hôpital. Non, pour se mettre le doigt. Non, je ferai comme moi, je ferai la couture. Mais en plus, Juliana, c'est toi qui l'avais dit lundi quand on a préparé. Il fallait désinfecter. Ah oui, ah oui. Et si on a de la pommade, on met de la pommade aussi. Oui, j'en ai moi. Hein? Alors après, je vous ai dit, par contre, c'est ça, un frelon. Oh. Alors le frelon, c'est plus gros. Hein. C'est comment? La piqûre, elle pèse de comme ça, la piqûre. Ouais. Comme une boule de rond. Donc ça veut dire que le dard est plus long. Hein, le donc, dard, il est comme ça. Il rentre bien. Est-ce que tu nous avais montré avec le crayon, Corinne ? Alors, oui. Qu'est-ce que vous faites ? Un frelon, c'est comme ça. Ah bah oui, si on peut. Mais il faut faire attention de ne pas percer la poche où il y a le venin. Hein, quand vous l'enlevez. Bon, oui. Un frelon, c'est comme ça. Ou alors, vous vous faites aider. Oui, moi, je demanderai à quelqu'un qui m'aide. Voilà. Et la dernière chose que je vous avais demandé... Corinne, un frelon, c'est comme ça. Ah, ouais, ça peut être plus gros encore. Comme ça. Comme si ça. Fait, ouais. Comme ça. Si il y a une bête qui vient dans notre bouche et ça passe dedans, il faut appeler... Comme ça. Attendez, Nathan. Il faut appeler l'ambulance et il faut mettre un glaçon. Ce serait bien qu'on s'écoute. Vas-y, Juliana, recommence. Si il y a une bête qui vient dans la bouche, il faut appeler les gens, les ponts, alors, les ambulances, et il faut sucer le glaçon. S'il y a une abeille qui rentre dans votre bouche, qui vous pique à la gorge, qu'est-ce que vous devez faire ? Il faut appeler l'ambulance et sucer. Sucer un glaçon. Voilà, si vous avez un glaçon chez vous. J'en ai, moi, plein. Un glaçon avec dans ton sac. Oui, mais ça va aider à quoi, le glaçon ? À hydrater. À descendre la bête ? Non. Pour pas qu'il descende dans notre ventre ? Qui ? La bête. Non, ça va descendre du tout. Ah bah, tu sais, de toute façon, une fois qu'elle a piqué, c'est fini pour elle. Hein. Et puis en plus, si elle est là, tu sais, elle va pas remonter. Alors, pourquoi un glaçon ? Pour respirer ? Non. Pour l'hydrater ? Non. Pour le corps quand il est sèche ? Pour éviter que l'œdème, c'est-à-dire que ça ne gonfle pas trop. Ah oui, pour voir ça. On en a parlé lundi. Et oui. Comment vous l'avez, Nona ? Ah bah ça, après, vous appelez le SAMU, c'est eux qui se chargent après, de faire tout ce qu'il y a à faire pour que vous puissiez bien respirer. Hein ? Oui. Parce qu'une piqûre, vous avez déjà vu quelqu'un qui s'est fait piquer à la gorge ? Non. C'est impressionnant, hein ? Non, ça gonfle, ça moi, gonfle. Moi, j'ai jamais vu, Corinne. J'ai jamais vu. Dans la radio, il y a une dame qui n'a pas de mouche. Une mouche, alors est-ce qu'une mouche elle a du venin ? Non. Tu l'as écrasé, tu tapes ta mouche, elle meurt. Corinne, Camille, elle a dit qu'elle avait peur. De quoi ? Peur de quoi ? De peur de quoi, j'ai vu ? Tu as dit mouches. J'ai peur. Ça. De quoi ? Je sais pas. J'ai jamais dit ça. Peur de la mouche ? Non, j'ai pas peur. Non. Peur des moustiques ? Ah, t'as peur de la mouche, Camille. Pas tous en même temps. Oui. Il a peur de Timothée. Oh, Juliana, vous avez quel âge ? J'ai peur de Timothée. Bon, c'est beau pour le sujet moustique, oui. Abeille et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a, Nathan ? T'es fatigué ? Non. Allez, on passe à la chanson suivante. C'est la chanson de... Juliana, Corée. Christopher ? Juliana, voilà. Ouais. Et ben Juliana, c'est ta chanson. C'est quoi ? C'est Can't Stop the Feeling. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. When you dance, dance, dance, feel a good creeping up on you, so just dance. just rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. Sa musique toute préférée, toute mignonne. Voilà, merci Juliana. Alors, donc, hors antenne, hein, parce que Juliana, Timothée et Camille, ils écoutaient la chanson, et puis ils dansaient sur leur chaise. Et puis il y avait Christopher et Nathan qui disaient Timothée, tu veux bien enlever le casque, s'il te plaît, merci. Okay. Voilà, que quand on est collégien, on est sérieux. Voilà, donc ils ne comprenaient pas que vous dansiez, que vous faisiez des mimiques et tout ça. Donc j'ai demandé à Nathan et Christopher, est-ce que c'est parce qu'on a 13-14 ans qu'il faut être sérieux ? Non. Je sais pas. Tu vas au lycée. C'est non. Au lycée qu'il faut être sérieux ? Oui. Ah, parce et avant, que... avant, non. Avant, mon frère, il faisait des bêtises avec beaucoup de... Non, non, mais moi, je veux qu'on parle de toi, Nathan. Les autres aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est bon, on va s'amuser, voilà. Ben oui, vous avez le droit de vous amuser. En quoi vous devez être sérieux ? En travail. Oui. À l'école. Et quoi encore ? À partir de gros mots. Ben oui, est-ce que à votre âge, on peut encore accepter... Non. Timothée, ce serait bien que tu nous écoutes. Okay. Est-ce qu'on peut accepter que vous insultiez, que vous disiez des gros mots ? Non. Non. Voilà. Oui. Dans le sens là que c'est bien d'être un peu plus sérieux que quand on est plus petit. Oui. Mais sinon, vous avez le droit de vous amuser quand même. Danser, chanter, rire. N'est-ce pas, Timothée ? Timothée ne nous écoute plus. Il est encore dans la chanson. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses, Christopher ? J'ai raison. Oui, t'es d'accord ? Oui. Et Nathan ? Je me suis réveillée là. Tu es d'accord ? Nathan n'a pas écouté. Alors, tu peux bien dire « Oh, la lune » à Timothée, t'écoutais pas non plus. J'ai écouté. Non, bah non, mais là, tu parles pas, Camille, tu ris dans le micro. C'est pas le but. Comment ? Bah, c'est ce qu'elle vient de dire, Juliana. Être sérieux dans la récré, s'amuser dans la récré. Dans la récré. Bon, vous arrêtez, là. Timothée et Juliana, c'est pas la récréation non plus, là. C'est bon, on peut continuer, là? Oui. Hein? Timothée aussi? Oui. Oui? Oui. J'ai pas fini ma question. Oui, alors, tu avais une question. À l'hiver, les cojones, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas pour rigoler. Des fois, ils poussent le cojone, le met par terre, après, ils crissent dans la neige aux collégiens. Les collégiens? Ouais. Oui. Alors, ils font ça au collège du Touli? Oui, ils le font. Oui, mais toi? Je l'ai fait juste une fois. Par un cojone, parce que une fois, je trouvais que je l'ai pas fait. Attends, excuse-moi, je t'interromps. On a beau être en direct, Juliana et Timothée, si vous continuez, je vous sors du studio. Hmm. Au couloir et on est d'accord? Ce serait bien d'écouter ceux qui parlent. Nathan, okay. Tu peux reprendre. En fait, au collège, j'ai crissé la neige juste une fois. Et une fois, j'ai juste mis un cojin par terre pour rigoler, pour jouer. Ah oui, et est-ce qu'il était content de ce que tu as fait, Nathan? Bah, pas trop, parce que... Bah oui, et ben voilà. Donc ça veut dire que des trucs comme ça, on fait pas. Ouais, après, je voulais plus leur faire. Ouais. Ouais, c'était un de mes amis. Au début, il était pas mon ami. Quand ouais. Il m'a vu. Bon, Nathan, on a plus beaucoup de temps, donc on passe vite fait au sujet suivant. Okay. C'était... Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petit, vous faites plus maintenant? Alors, Christopher, vas-y. Avant, on n'entendait pas les filles avant. Maintenant, on entend des filles. Dans la rue, on entend des filles. Même dans la rue? Ouais. Alors, à ton avis, est-ce que c'est normal? C'est normal, je suis un mec. Oui, et puis tu as grandi aussi. T'es un ado. Ouais, quand je vois une fille en jupe... Seulement en jupe? C'est un pantalon, tu regardes pas? Si. Ah bon? Ok. Ouais, t'as une jupe. Mais c'est... T'inquiète pas, Christopher, c'est tout à fait normal. Ouais, c'est normal. Ah, ça, tu as évolué dans le bon sens, là. Mmh. Hein? Steven, toi? Je voulais pas travailler avant. À l'école, et je veux travailler. Voilà, tu voulais pas travailler maintenant. Si tu es volontaire, ben ça c'est super, hein, Steven. Oui. Hein? Oui. Et Juliana, qu'est-ce que tu avais dit? Je sais plus. Elle sait plus. Camille, qu'est-ce que tu faisais toi? Je me cachais avant. Voilà, et maintenant? Je fais plus. Ça va beaucoup mieux, ouais, c'est vrai. Et Nathan? Quand j'étais en groupe Noisis, j'ai descendu en bas. Et après, je suis remontée parce que j'ai appelé mon éducateur de CFPRO Gérard. Mmh. Je suis remontée. Après, un de mes élèves, ils l'ont fait aussi. Voilà, alors tu as dit que quand tu étais plus jeune, tu arrêtais pas de faire des allers-retours entre ton groupe et celui du CFPRO. Je l'ai fait une fois. Ah oh, oui, oh, bah alors. Non, si, je l'ai fait une fois, je l'ai pas fait deux fois. Ah oui, bah alors. Ça va pas, Nathan. Si, ça c'était va. Pas le bon cas là, hein. Il fallait si. Choisir autre chose. Ben, j'ai vu une fois, après j'ai... Après, ouais, mais si c'est qu'une fois, Nathan, c'est pas grave. C'est quelque chose, voilà, que tu faisais tout le temps, ou que tu faisais pas du tout, et que tu fais maintenant. Bon, alors, on va passer à Timothée. Timothée, qu'est-ce que t'avais dit, toi? Non, pas parce que Juliana, il va encore dire « Ah, le bébé !» Non, Juliana, elle va se taire, elle va respecter ce que tu dis. Alors, et Nathan, pareil. Alors Timothée, vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais plus petit, d'ailleurs encore à l'IME, et que tu fais plus maintenant? Quand tu es arrivé, par exemple, à l'IME, qu'est-ce que tu faisais, Timothée, que tu ne fais plus maintenant? J'ai mangé des petits pots. Tu mangeais encore des petits pots, oui, quand tu es arrivé à l'IME. Et maintenant? Je mange plus. Tu manges normalement. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Bravo, Timothée. Pas si fort, pas si fort. Parce que, là, on entend. Oui, eh ben on entend, mais en même temps, toi, tout le monde t'a félicité. Donc, c'est super. Ah oui, tu viens embrouiller. Oui, Nathan, c'est bon. Nathan. Tu vas peut-être pas en rajouter une couche. Merci, vous êtes très bon public. Est-ce qu'on peut... Oui, vas-y, Timothée, tu voulais ajouter quoi? Non, rien. Rien. C'est beau pour le tour de table? Oui. Ben, Juliana, elle voulait pas. À moins qu'elle ait changé d'avis. Hein. Bla, bla, bla. Non, Juliana, elle boude. Parce qu'elle aime pas quand on la reprend. C'est ça, hein. Mais néanmoins, c'est comme ça, je l'ai déjà dit. À la radio, on s'écoute et on ne se moque pas. Alors, comme Juliana, elle voulait dire que, bah, qu'elle ne se moquait plus des autres, c'est sûr que ce n'est pas très oui, adapté. Oui, mais je ne me rappelle plus. Tu ne te rappelles plus que, je ne me rappelle plus quand j'étais petite. Oui, mais par exemple, quand tu es arrivée à l'IME, est-ce qu'il y a un truc que tu faisais puis tu fais plus. Je ne sais pas. Je me rappelle plus. Tu faisais pas souvent des colères? Non. Tu fais plus des colères. Si, t'en faisais. Elle en faisait même au-dessus. Eh ben, gros progrès, parce que Juliana, elle en fait plus. Je crois qu'elle avait fait une de colère, je me souviens. Quand? À IME. Mais je sais qu'elle... Quand elle était encore grande. Quand elle était encore grande, pourquoi là, elle est vieille, alors? Ah, je suis vieille maintenant, elle va voir. Non, elle fait une colère, je me rappelle, dans un atelier. Oui, mais si avant elle en faisait tout le temps et puis que là elle en a fait une dans l'année, bah, c'est que ça va beaucoup mieux quand même, hein, Juliana? Bah oui. Et toi, Corinne? Mais je sais qu'elle... Un truc à nous dire quand t'étais petite. Je sais qu'elle fait. Et Sylvain, il nous l'a pas dit, tu veux? Si, il a dit avant il voulait pas travailler et maintenant il demande à travailler. Et Marc, t'as des trucs quand t'étais petite que tu faisais? T'es curieux. Attendez, on écoute Marc. Oui, je faisais du sport, j'en fais plus. Du sport. Non, un truc méchant. Un truc méchant, tu voulais, toi? Bah, c'est bien ce qu'il a dit. Oui. Qu'il faisait du sport, maintenant il en fait plus. Voilà. Et toi, Corinne? T'es toujours sage. Non, elle guettait les mecs. Quand j'étais petite, bah non, j'étais comme toi, Christopher. Je regardais pas. Bon, bah écoutez, hein, il est 54. Bah, on n'a pas le temps de passer la chanson. Non, on n'aura pas le temps de passer la chanson. C'était la chanson de qui? Christopher, bah, on la passera en premier la semaine prochaine. Et Camille. D'accord. Bah, et Camille. Camille, bah, c'est la semaine prochaine aussi. Et Steven. C'est comme ça. Hein? Et moi, je la passerai au dernier, moi. Quand? Moi, je la passerai au dernier. Pourquoi en dernier? Mais il l'a pas passé, lui. Sa chanson est avec moi et Timothée. C'était Christopher qui devait en passer. 2018. C'était Katy Perry, mais on n'a plus le temps. Hein. Elle dure combien de temps? Eh ben allez, on écoute celle de Christopher, parce qu'on va avoir un scandale avant la fin de l'émission. Katy. A big beautiful brain with a pretty face, yeah. A baby doll with a briefcase, yeah. A hot little hurricane, ha! 'Cause I'm feminine and soft, but I'm still a boss, yeah. Red lipstick, but still so raw, yeah. Marilyn Monroe in a monster truck. 'Cause I can be zen and I can be the storm, yeah. Smell like a rose and I pierce like a thorn, yeah. Karate chopping, the cliches and norms, all in a dress. Back like a pro, 'cause I'm so resilient. LOL at all your limits. Keep your penny thoughts, I'm making a mint. 'Cause I can be zen and I can be the storm, yeah. Smell like a rose and I pierce like a thorn, yeah. Karate chopping the cliches and norms, all in a dress. touching in my chubby little wallet. And secretly you love it. Voilà, c'est terminé. C'est la chanson de qui ? Christopher. Katy Perry, voilà. Alors Timothée me disait hors antenne qu'il aimerait bien écrire un album. Et ben voilà, cet après-midi, tu peux déjà commencer, Timothée. Hein avec le tam-tam. Voilà. On va aussi remercier ta maman d'avoir appelé Merci. Ce matin. Hein, c'était très gentil. Merci, Timothée. Madame. Merci, madame. Merci, madame. Voilà. Et puis, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine hein, pour une nouvelle émission vous des Ados. Vous êtes gentils. On salue aussi très les gentil. Jeunes, s'il ouais, vous plaît. S'il vous plaît, pas tous en même temps. Gentil, madame. Bah, oui, on salue aussi tous les jeunes de l'IME qui écoutent de plus en plus votre émission. On n'a pas le temps de les citer tous. Hein. Et puis, C'est vrai qu'il est gentil, ma maman. Très gentil. Ouais. Voilà. C'est beaucoup. Bon. Est-ce que beaucoup vous pouvez à la folie. Est-ce que vous pouvez arrêter 2 minutes. Oui. Voilà, merci. Là, t'as eu papa au téléphone et maintenant c'est maman. Bon, allez, bonne journée à tous journée. Et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. On dit au revoir pour la semaine prochaine. Et la maman t'a fait essayer d'appeler.